Fait que ce qui arrive, éventuellement, vous rentrez dans la conscience psychologique. Vous n'avez plus de problème psychologique, mais vous avez la vibration de la psychologie. Vous avez la vibration. Vous tombez dans la vibration. Il n'y a plus de forme, là. C'est pour ça que vous avez plus de problème psychologique, parce que vous voyez clair dans les formes psychologiques. Fait que là, vous êtes dans la vibration. Ça y est, la vibration. La nuit, de temps en temps, la vibration est haute, puis là, ça marche. T'es bien, t'es dégagé. T'es quoi, revient? Oh! T'es en gros engagé dans la vibration. Tu dégages la vibration, tu réengages dans la vibration, tu dégages la vibration. Puis ça, ça dure jusqu'à temps que vous passez la conscience. Cette vibration-là, qui vous engage, qui vous dégage vibratoirement, non pas psychologiquement, mais vibratoirement, c'est ça qui vous empêche de passer directement de l'autre bord. Cette vibration-là, montrant, vous passez directement de l'autre bord en esprit. Alors, c'est ça qui vous tient en matière. Alors, si vous êtes trop dans cette vibration-là, là, mais là, à ce moment-là, vous êtes obligé de la descendre. Moi, c'est pour ça que je fume, je mange de la viande. Si je pourrais être trop dans cette vibration-là, je ne pourrais pas travailler, je ne serais pas intéressé. Fait que pour me descendre de la vibration, je m'astralise. Parce que je suis trop mental, fait que je m'astralise. Je fume, je mange de la viande. Je bois du coke. Je bois du vin. Fait que ça me tient juste à l'équilibre pour fonctionner. Mais il y a toujours cette étape. Il y a rendu quand vous êtes dans cette vibration-là, mais là, vous êtes bien, bien calme. Vous êtes bien calme, cette vibration-là. La vie est supportable. Si vous n'avez pas de problème financier, là, vous avez un autre. Si vous avez les quatre éléments essentiels de la vie, la vie est supportable. Ça peut être le fond, clairement. Mais toujours là, petite craque. Tu peux pas sortir de la conscience quand t'es dans la conscience. Ça veut dire que tu peux pas sortir de la vibration. De l'âme. C'est la vibration de l'âme, ça, c'est cette patente-là. Ça, c'est l'âme. Sans ça, vous changerez de plan. Ça marche, ça? C'est pour ça que je disais, tu peux pas être conscient avec deux rues. Quand je dis, tu peux pas être conscient avec deux rues. Tu fais être belle dans ta peau. Elle est belle dans sa peau. Elle est pas heureuse. Non. Tu vas pas être heureux. On peut jamais être heureux comme point de certain. Vous serez jamais heureux sur le plan matériel. Vous serez pas malheureux. Non. Vous serez bien dans votre peau. Mais vous pouvez pas être heureux parce que être heureux quand t'es conscient, c'est être dans un autre univers. C'est en harmonie avec l'univers avec quel côté, puis quand tu es conscient que ça te bénit, tu es pas en harmonie avec l'univers. C'est ça, une caractéristique du plan physique, ou c'est une caractéristique de l'époque actuelle sur le plan physique. Quoi? C'est-à-dire que là, sur le plan physique, c'est pas possible d'être heureux sur la planète Terre, mais plus tard, est-ce que ça va être possible d'être heureux sur la planète Terre? Oui, parce que les conditions, l'état de la Terre va être changé. L'état de la planète va être changé. Mais tant que l'état de la planète n'est pas changé, tu peux pas. Fait que ça, je vous dis, il va venir un point dans vos vies, dans 10 ans, 15 ans, 8 ans, je sais pas. Il va venir un point dans vos vies, vous allez être obligé de vous isoler. Parce que c'est hey, où tu t'isoles, que là, tu peux être réellement bien dans ta peau, parce que t'as pas... tu ne délivres pas avec personne. Tu sais. Et tu sors chez vous, tu te lèves le matin, tu manges, tu fais tes affaires, papa. Tu couches le soir, tu te lèves le matin, tu fais tes affaires, papa. Tu es créatif, fait que ta vie est toujours pleine 24 heures par jour, seulement c'est un petit terrain. Tu peux pas aller à, Montréal, tu peux pas aller à New York. Il y a trop d'inconscient. Fait que tu restes. Fait que tu t'arranges pour faire un petit espace matériel, là. Puis là, t'es bien, là. Mais aussitôt que tu sors de là, tu tombes dans l'inconscient. Puis tu le sens, les vibrations changent. Bon, on commence à l'expérimenter déjà. C'est un exemple. C'est ça que je dis. Tu peux pas être conscient d'être heureux. C'est une question d'être humain, en fait. C'est pas réciproque. Si on était tout le temps réciproque, là, ça marcherait, mais tu rencontres quelqu'un, là, pis là, la vibration est plus réciproque, c'est là que ça casse. T'as toujours une tension. Tu t'en vas au coin de la rue, pis y'a un gars qui te rentre dans une klaxonne dans les oreilles, ou qui sac après toi. Toi, tu veux t'aller le lendemain, lui, il veut que t'ailles. Tu sais, t'as toujours des tensions. La police. T'as tout ça à faire. On a l'impression qu'on n'est pas justement dans ce problème ici. Plus ça va, ben plus ça va, plus tu veux rien savoir de la planète telle qu'elle est. Ouais. Fait que c'est que tu fais, tu ramasses ton terrain, tu te fais une petite, tu t'achètes une petite maison quelque part. Mais si on est heureux, par exemple, c'est qu'on demande plus à la vie ou aux gens de nous donner ce qu'on... On n'attend plus. Ouais, on ne demande plus de nous donner ce qu'ils ne peuvent pas nous donner. Ouais. On ne demande pas à un plan de nous pas nous donner, on le sait. Ouais. Ça, c'est quelque chose pour penser à ça. Ouais. On va chercher ce qu'on a de besoin. C'est ça. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence. Le milieu familial, c'est le milieu astral par excellence, mais ça peut être le milieu mental par excellence aussi. Si ta famille, si toi et puis ta femme, je peux pas parler des enfants, parce que les enfants sont dans un inconscient. Mais si toi et ta femme, vous êtes conscient, c'est le milieu mental par excellence, moi, dans ma famille, c'est là que je vis mon état mental le plus. Moi et ma femme... La famille que tu penses, c'est toi, mais tes parents. Ah non, oui, j'ai mis ça à part, ce monde-là. Mes parents, moi, c'est le milieu astral. Bien. Tu m'as fait quoi te dire ça? Peut-être. C'est ça qu'on va mettre à part. Je vais t'en faire dans le champ. Oui, ma mère, elle met à part de nous c'est parfait. Au moins, c'est pour moi que t'es responsable, c'est. T'as pris ça. Elle a pris sa propre décision. Faut que tu fasses ça avec diplomatie. Ah ben, c'est que la condition, puis elle explose. Tu mets la bombe à ma flèche, à ma plante. Moi, j'ai ma bombe, puis elle met le feu, puis elle pète la bombe. Je suis parti. Vraiment? Oui, il y a une chose que j'aimerais que tu penses. On sait qu'on est en voie d'évolution, OK? Mais l'ego, lui, souvent, moi, je regarde, là, je sais que c'est, ça vient de l'ego. L'ego, lui, veut aller vite. Il veut évoluer. Okay? À un moment donné, tu peux prendre conscience d'une forme ou d'un problème ou de quelque chose que tu as okay, au niveau de personnel. Puis tu te dis, je vais le travailler. Okay? L'ego dit, moi, je vais aller vite. Je vais travailler dessus. Je vais essayer de la liquider, cette forme. Est-ce qu'on peut, c'est-à-dire, en essayant de vouloir liquider une forme dans notre temps et non pas dans le temps, se reculer ou se créer des tensions ou plus de problèmes. C'est assez de faire quelque chose avec l'ego, tu vas créer une autre forme. Autrement dit, vouloir, c'est pas. Ah, tu peux, il n'y a pas de part. La conscience, c'est se conscientiser, c'est subir le travail de l'âme vibratoirement sur l'ego. Tu peux pas aller plus vite. Si tu cherches à aller vite, ça fait partie d'une forme. L'âme va t'amener à te mettre à ta aise, ça, oui. L'âme, elle peut prendre 10 ans pour t'amener à la patience. Si tu vas aller trop vite, elle va te mettre les bois dans les roues, ça c'est automatique. C'est automatique. Faut pas qu'on veuille rien. Vouloir quelque chose, c'est égocentrique. Puis l'âme nous centre. On doit devenir centré. Moi, une chose que j'ai réalisé, c'est le jeu. C'est-à-dire que tu, en voulant, disons, c'est pas ça, c'est parce que je parlais avec quelqu'un à un moment donné. En voulant aller vite, à un moment donné, c'est inévitable, tu vas avoir la polarité inverse. Évident. Si tu veux, ou si t'es dans telle vibration, telle chose que tu peux vivre, ou que t'es amené à telle circonstance, si c'est ça que tu veux, ça, je l'ai réalisé souvent. Ils vont faire interférence. Le jeu des polarités. Ouais, ouais. Ça, je dis, tu sais, des fois, les gens vont dire, moi, on dit que ça va bien aujourd'hui. Dans le mince horaire. C'est vraiment que tu l'as dit, ça se met bien. La minute que tu dis, ça va-tu bien aujourd'hui, ça va bien, là. Je suis correct, là. Dans le mince horaire. Moi, j'ai une de mes cousines dans la famille. Elle m'appelait, puis, puis elle a eu des problèmes au niveau de la paranoïa. Elle disait, bah, ça va bien, Bernard. Oui, c'est ça qu'elle disait, ça va bien. Je disais, quand tu me diras plus, ça va bien, là, je saurais que ça va bien. Mais aussitôt que tu vas me dire que ça va bien, je vais savoir que ça va pas bien. Demain. Je m'en ai demandé quand est-ce que ça cesse quand t'es plus dans la polarité. C'est quand l'ego est plus impliqué. Faut pas que l'ego soit impliqué. Faut que l'ego devienne un canal. Faut pas qu'il soit impliqué. Faut qu'on devienne centrique et non égocentrique.

cherchais l'automobile, cherchais. Il faudrait que tu me donnes de l'énergie pour la prouver. Mm. Mais aussitôt que je suis arrivé, là, ça tombe la main. Ah. Là, t'es sur le mental. Là. Encore une fois, ça fait rien. Ben, ça fit. Quand ça fit, il n'y a pas d'enthousiasme. Quand ça fit pas, y a... parce que si tu sais que ça sert, l'enthousiasme. L'enthousiasme, ça sert pour nous pas aimer. Eh oui, c'est une simulation de cadeau. Maintenant, c'est un projet, mettons que t'achetais une maison, ou un développement, tu prépares, t'achetais une maison. En un mot, là, je dis, ben, je me prépare, je fais ce que j'ai à faire, moi, financier, de terre à terre. Puis, tu t'envoies le même, sans enthousiasme. C'est-tu correct, ça, ou, ouais, mais c'est Vous autres, là, quand vous pensez, vous autres, vous créez des attitudes. Quand je parle de l'absence de l'enthousiasme ou de l'absence de peur, vous développez une attitude. Fait que si vous essayez de pas avoir d'enthousiasme, si vous essayez de pas faire d'effort, c'est une attitude, c'est une force. Pas faire d'effort, faire d'enthousiasme, c'est un état d'esprit. Tu peux pas n'avoir d'enthousiasme. Tu vas au forum, tu n'es l'air bête. Tout le monde bouille la vieille, tout le monde clappe, là. Ah, ouais. Toi, tu n'es bête. Parce que tu peux pas avoir d'enthousiasme. C'est ça, Paul. J'avais un exemple à donner pour mon livre, je vais pas comprendre envers les enfants. Parce que tu dis des fois, tu dis, puis moi aussi je le dis, là, il faut en arriver à être. Fait que là, nous autres, quand il y a un « il faut que », je travaille pour, OK? Ça me fait assez de penser récemment à du monde qui disent, là, bon, on va créer un club, là, ou des rencontres, là, puis on va se faire du fun. Ben non, moi, j'ai des clients qui me disent, moi, là, je viens te voir parce que moi, j'aimerais ça avoir du fun dans la vie. Bon. Moi, là, ça me fait mourir parce que avoir du fun, tu peux pas organiser du fun. Mm-hmm. Tu peux faire un party. Tu peux mettre en place tout ce qu'il faut. La musique, bon lunch, ça sent bon. Relaxer. Mais tu peux pas organiser le fun. Non, le fun, il faut le bien prendre. Le fun, il va venir seul. C'est un résultat. C'est un résultat de, exactement. Bon. Puis, on sait comment est-ce qu'on va avoir du fun dans des, je sais pas, moi, dans des... Tu fais des parties, hein. Tu sais, quand des gens vont au party, là. Là, ils veulent avoir du fun, puis aller au party, puis c'est clair. C'est clair. Souvent, ils pensent même pas, ils vont au party, puis là, ils ont bien du fun. C'est la même chose. Alors, le fun, c'est un résultat, right. Ça s'organise pas. Mm-hmm. Bon. Ben, quand il faut avoir la volonté, ça s'organise pas, on va travailler pour ça. Alors, l'ego, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut toujours travailler pour avoir quelque chose. Ben, tant qu'on veut travailler pour avoir quelque chose, on l'a jamais. C'est gâté. Parce qu'il faut que ça arrive, parce que ça vite, c'est tout. C'est ça. Ça arrive pas par le cadeau, ni parce qu'on a travaillé, c'est pas du mérite non plus. C'est ça. Exactement. Parce que je trouvais, en tout cas, moi, je trouvais que des fois, je travaille bien fort, puis je me dis, tabarnak, là, je le méritais cette affaire-là, puis je l'ai pondu. Ben, dans ce temps-là, je me dis, t'as donc ben, t'as juste pas été intelligente. T'avais qu'à peine travailler moins fort. Puis t'as organisé pour l'avoir. Parce que, on a toujours cette petite affaire spirituelle-là de récompense du bon Dieu qui nous tient en tête. C'est ça. Une gratitude du bon Dieu. Tout le temps, on dit, là, je le mérite que je devrais l'avoir, j'ai assez fait d'efforts. C'est pas en payant pour, c'est du dû. Puis quand on comprendra que c'est du dû comme des princes, on cueillera ce qui nous est dû, point. Ouais. Moi, je me dis des pommes puis des oranges, là. Quand c'est le temps des pommes, faut que je mange des pommes puis je les calme dans le temps des pommes. Mais si par abnégation, de quelque sorte, ou par bonne intention d'en laisser aux autres des pommes, je vais pas les cueillir, bon, ben, quand ça va être rendu au temps des fraises, là, le temps des pommes, il est passé, ça fait le mot que t'as dit de mèche. J'ai pas d'affaire à broyer parce que les pommes étaient pas là. C'était à moi d'écueillir quand fait le temps. Quand c'est le temps des fraises comme à cette heure, faut que je les ramasse pour faire les confitures. Puis si je les ramasse pas, puis si je les mange pas à cette heure, c'est belle valeur dans le temps des pommes, it's just too late, malgré toutes les bonnes intentions que j'avais de laisser aux autres qui puissent m'en donner une boîte. C'est ça. Parce que nous autres, on marchande, mais c'est entre nos égos qu'on marchande. Ouais. On veut mériter des affaires. Ouais, ouais. Puis après ça, on pense que... C'est me, myself, and I. Puis ça, c'est pas de l'égocentrisme. Me, myself, and I. Quand j'ai compris ça, c'est pas de l'égocentrisme. c'est de l'intelligence. C'est d'administrer soi-même. C'est un duc. Parce que quand on aime quelqu'un... On a le droit à tous les aspects de la vie. L'énergie. Et ce qui nous empêche d'avoir le droit à tous les aspects de la vie, c'est nos maudites émotions. Oui. Pure et simple. Je trouve ça assez clair, comme quand tu parles d'amour, là, je suis assez contente, là, parce que l'amour, là, ça nous donne assez de droits de faire manger de la merde aux autres, là, puis aux autres de nous donner une merde, là, c'est pas possible. Puis se fouiller dans les tripes des autres, puis dans les poches des autres, là, pas là-dessus. Comme ça, par amour. Faut juste voir comment ça marche les divorces, comment ça se dissocie les couples, pour s'apercevoir que la question d'amour qu'on perd, c'est la merde. Il n'y a pas d'aide qui peut être plus méchant que vous avez un autre aide quand vous l'avez déjà aimé. Ah non, est-ce que c'est bien ça? C'est pour ça que j'ai déjà dit que l'homme ne peut pas aimer sur le plan matériel. Mm. C'est pour ça que je dis tout le temps, l'homme a besoin de deux choses, de l'intelligence, de la volonté, et en arrière-plan, il a l'amour. Mais l'homme ne vivra jamais l'amour sur le plan matériel. Ça, c'est le, peut-être des paroles les plus occultes que j'ai jamais dites. L'homme ne vivra jamais l'amour sur le plan matériel. Parce que l'amour, l'amour, c'est... qu'est-ce que c'est? C'est pas matériel, premièrement. L'amour, c'est le pouvoir de l'ego de se servir de l'énergie de l'âme. C'est ça. Le pouvoir de l'ego de se servir à volonté de l'énergie de l'âme. Puis l'ego, il est loin d'être prêt à se servir de l'énergie de l'âme. De l'âme. C'est ça, de l'amour. Ce qu'on appelle de l'amour, là. L'amour. Il y en a un amour. Ce que les gens appellent l'amour, c'est pas de l'amour, c'est du sentiment d'amour. L'amour d'Hollywood. Whatever. Mais l'amour, là, moi, j'ai une femme. Je suis totalement uni à ma femme et je ne suis pas en amour avec ma femme. Je n'ai jamais été, puis je suis vraiment, puis elle ne l'a pas non plus. Mais on est unis tous les deux, ça. Mais dans les terres, tous les deux, on vivra l'amour. Mais si par terre, on ne peut pas vivre l'amour, on mourra. D'amour. On souffrirait d'amour. Tu peux pas vivre d'amour, tu souffres d'amour. La seule façon que tu peux vivre l'amour, c'est dans l'éther. Sur le plan matériel, tu peux vivre l'intelligence et la volonté. Ce que je veux dire d'amour, c'est de la souffrance. L'amour engendre la souffrance sur la terre. Parce que l'amour sur la terre est polarisé. Parce que dans l'éther, il n'est pas polarisé. La seule chose en tête qui veut ne pas être polarisé parce que c'est mental, c'est l'intelligence et la volonté. Mais l'amour, aussitôt que tu descends au niveau du plexus solaire, tu tombes au niveau des lois planétaires, de la conscience animale, tu peux pas aimer. L'évolution. Fait qu'automatiquement, pour permettre les liens entre les hommes, pour permettre l'évolution d'une civilisation, pour permettre des structures sociales, on fait l'expérience un petit peu de la vibration de l'âme, qu'on appelle nous autres de l'amour. C'est pas de l'amour, c'est du sentiment d'amour. De l'amour sur la planète Terre, ça crée l'anarchie. L'amour sur la planète Terre, ça peut créer tout. Ça peut créer l'anarchie, les conflits, la destruction. Mais c'est l'anarchie, ça. Il n'y a pas d'amour sur la Terre, il n'y a pas d'amour. L'amour, c'est occulte. Puis la raison pour laquelle les maîtres ont toujours parlé d'amour, puis d'amour, puis d'amour spirituel, c'est parce que c'était de l'amour spirituel. C'était la relation vibratoire entre l'ego et l'âme. Mais aussitôt que tu passes ça à l'extérieur, à un homme ou à une femme, à un être, t'es vampirisé. C'est ça. T'es vampirisé? Ouais. Parce que l'ego est naturellement vampiré. Ça serait possible dans une société encore, dans le futur, sur la Terre, quand même. C'est pas encore que c'est physique, là, ça cause des hommes encore. C'est-à-dire que dans un futur, il y a probablement, c'est possible de vivre l'amour sur la Terre aussi. Quand même, c'est le conscient. C'est ça. Quand des hommes conscients ensemble pourraient vivre l'amour même sur la Terre, quoi. Ouais, quand tu dis sur la Terre, ça veut dire en relation avec l'éthique, pareil. Tu peux être sur la Terre et dans l'éthique aussi. Dans le corps physique? Ah ouais, je veux pas rentrer dans nous, parce que je sais que ça t'intéresse bien, gros. Un autre exemple qui me vient, juste pour illustrer ça. Tu sais, quand par exemple, tu t'es engagé, mettons, tu t'envoies un boss. Le boss, il t'engagera pas pour tes beaux yeux, il va t'engager pour ta compétence. Puis comment est-ce qu'il y a du monde qui attend que le patron leur dise qu'ils sont bons au travail? Tu sais, ils vont même baisser le salaire de tabarouette pour se faire dire qu'ils sont bons au travail. Ils vont se contenter des conditions de travail inférieures d'abord qu'ils ont une claque dans le dos le vendredi pour leur dire qu'ils sont bons. Faut être petit cul pour accepter ça. Ouais. Je trouve que c'est de la prostitution, l'amour. C'est écœurant. Ouais.

Ouais, parce que le désir de perfection vient du fait que vous voulez pas vous tromper. Bien sûr, c'est qu'on sent vibratoirement qu'on pourrait bien devenir parfait un jour. Ouais, oui, parce qu'on est parfait, oui. On l'est, mais comment ça nous arrive, ça? C'est comme une petite aiguille dans le fond d'un bébé, une petite boîte de tout petit qui dit que tu pourrais bien être parfait. Ouais. Et ça, tu penses que tu vas réaliser sur le plan matériel, soit là-dessus, parce que pour le monde matériel, tu seras parfait. Ouais. C'est bien subtil l'affaire de la perfection, tu sais. Ça, c'est une maudite idiote. Qu'est-ce que c'est la perfection? La perfection, c'est l'habilité de l'homme de rencontrer son homologue universel dans une perfection parfaite de l'harmonie vibratoire entre lui et l'autre. La perfection, c'est la capacité à l'ego d'absorber toute l'énergie qui est en lui et de jamais vibrer émotivement, c'est ça. Il passe quelque chose, c'est ça. C'est comme lui est là, puis il décharge ça, tout est prêt, puis mou. C'est ça la perfection. Il n'y a pas de distorsion dans le temps. Il n'y a aucune distorsion dans le temps. Il n'y a aucune émotivité. Fait que l'ego, faut qu'il y ait des épaules assez fort, pour franquer tout ce qui descend en haut. C'est ça la perfection. Mais nous autres, on ne veut pas ça même, la perfection. Nous autres, la perfection, on veut ça comme une qualité. La perfection, c'est pas une qualité. C'est le pouvoir mental de l'ego. La perfection, c'est le pouvoir mental de l'ego. Plus le pouvoir mental de l'ego est grand, plus l'ego est parfait dans ce sens que plus il peut prendre l'énergie par le mental, ça tu sais, l'énergie par le mental, puis l'émotionnel, ça, il est toujours barré. Fait que ça fait jamais d'interférence avec ce qui se passe, ça. Fait que si lui, en haut, il dit telle chose, qui débrouille toute une tradition de 10 000 ans, moi, il faut que je sois capable de le prendre et de le passer. Bah, c'est ça la perfection. C'est pas une qualité. C'est la fitness. C'est une résonance parfaite. C'est de la fitness. Qu'est-ce que ça me fout, moi, de dire que c'est fait de même au lieu de même, mon sac? Je canalise. C'est ça, mais nous autres, on a peur de faire des erreurs. On se questionne. On dit, c'est vrai, ce que j'ai dit. C'est pas mal au bout. Je suis seul à penser de même. Pas. Aussitôt que t'es seul à penser de même, là, c'est que tu commences à toucher à l'intelligent. Aussitôt que t'es seul à penser de même, tu commences à être individualisé. Mais les gens, en général, s'ils passent de même tout seul, là, ils s'en vont plus. Ils veulent pas être ça. Fait qu'ils s'en vont voir le gars, pis il leur explique au gars comment est-ce qu'ils pensent, le gars est tout malade. Fait que celui-là, il vient de faire. Mais aussitôt qu'on pense de même, qu'on est seul à penser de même, t'es sûr et garanti que c'est de même que ça va. Fait que là, si tu vas voir un autre gars qui vit le même phénomène, là, il dit ça, t'as bien raison, là, ça t'encourage. Là, t'envoies un autre, t'as l'encourage. Là, tu t'aperçois que t'es pas capoté. Que c'est tout le monde qui est capoté, là, pas toi. Parce que quand t'es tout seul, tu dis que t'es pas capoté, puis tout le monde est capoté, fais les épaules larges. Moi, je l'ai vécu, ça. J'ai vécu. Moi, en 69, j'en venais pas là. Je peux avoir des yeux ou des assiettes. J'étais obligé de checker ça. C'est là qu'il me disait, essaye de penser, j'étais pas grave. Additionne un P1, pis j'étais pas grave. Vous voyez bien que c'était pas moi, là. Ça me renforçait un petit peu. Ça me donnait un petit peu de courage. Mais ça a pris 10 ans pour façonner mes corps pour que je puisse me laisser passer l'affaire. Puis mêler de mes affaires quand je fais. C'est une question de faire la grâce. C'est une question de vibration. C'est une question de caractère, une question de tendance, ça va tout ensemble, c'est évident. Mais c'est une question de vibration, c'est une question de tes corps d'être capable, de ton ego d'être capable de prendre tout ce qu'ils peuvent te donner, puis ils peuvent t'en donner, ils sont infinis. Puis ton ego, lui, qui est limité, tu comprends que pour que ton ego devienne illimité, faut que tu t'ouvres complètement à eux autres. C'est égocentrique, t'es constamment polarisé, tu vas supprimer plus qu'un autre. C'est évident, parce que tu vas tout te comparer. Si tu t'ajustes facilement la neutralité, tu compares de moins en moins. Mais tu peux pas faire d'effort. Ça fait juste de l'essayer. Ouais, tu fais d'effort. Alors, tu conscientises en disant, c'est toujours la santé, puis j'essaie de. Quand tu dis que tu peux être mon œil, là, quand tu dis que tu es mon œil, tu penses que tu es mon œil parce que les conditions te permettent de penser que tu es mon œil. Mais quand la condition vient, qui est en dehors de ton contrôle. Sais-tu quand est-ce que tu grandis quand c'est en dehors de ton contrôle? Là, tu te mets, là, t'es neutre. Quand t'es capable d'être neutre, pis que la condition est en dehors de ton contrôle, là, je dis ça pour l'autre, comment ça va être une moustache, là? C'est quand la condition est en dehors de ton contrôle. Tu sais, ta femme a un accident et moi. Là, si t'es neutre, là, tu m'ouvres. Mais si t'es à l'intérieur de ton contrôle, tu te conditionnes psychologiquement. C'est pas la neutralité. Tu chiens avec ta femme. Là, là, tu as remolé une rêve, tu t'entends immédiatement. Ouais. Et les deux, tu m'ouvres sans. Sais-tu, moi, ça me fait penser à quelque chose, ça, quand tu l'entends sur moi. Oui, parce que ta compréhension, ta conscience, ta compréhension te permet de voir le jeu, de comprendre le jeu, j'ai dit. C'est comme un scan de sophomore. Ouais, oui. À ce niveau-là, oui. Ouais, mais fais attention, c'est pas des compromis, ça. Non, non, on va parler de compromis. Quand on fait des compromis avec les autres personnes, là, si mon homme, les autres personnes, je comprends. Tu fais pas, tu gagnes rien. Ouais, mais c'est pas ça qu'il veut dire. Lui, il veut dire, il se met au neutre devant lui-même, puis voir sa femme objectivement, comme sa femme le voit objectivement. Fait que de sorte que les deux personnalités se font pas prendre dans le jeu de l'énergie. Ça, c'est la conscientisation. Ça, c'est. Bon, ça aurait été emmené, là, comme le fait que tu viens de citer, ta femme, il y a un rumeur instantanément. Tu peux être plus facilement, tu vas être capable plus facilement de te mettre au neutre. À la langue. À la langue, ouais. À la langue, tu mets au neutre devant les marocains. Les marocains. Mais dis-tu, tu n'es pas au neutre. À sa façon, ce qu'il veut dire, parce que tu sais que c'est ça qu'il veut dire. Ça, c'est bien important. Moi, c'est ça que je fais avec vous autres. Vous me parlez, des fois, c'est tout croche, mais je sais ce que je voulais dire, puis je dis, ouais, c'est ça. Mais s'il y a quelqu'un à côté, je vais pas dire, c'est ça. Là, je vais être obligé de tuer l'impression, parce que lui, il va penser, il va capter mal. Je l'ai fait avec elle, la soirée, elle, dans la table, elle. Puis, lui. Elle a dit, elle, parce que lui, il était à la porte, la soirée, quand il est rentré. Fait qu'elle a dit, c'est ta maison. Puis lui, il dit, c'est une belle, lui, il a mal compris. Lui, il dit, c'est une belle maison. Fait que c'est ta groche, le frère. Mais elle a rien dit. Fait que moi, pour tuer la fausse impression qu'elle avait dans son esprit, j'ai dit à lui, quelle place tu restes? Fait qu'elle a raccroché. Fait qu'elle a compris que c'était pas lui la maison, puis lui, il a plus de problème d'expliquer. Ouais, j'ai... Fait... Ça travaille tout le temps. Parce que pour moi, c'est une souffrance si elle a la mauvaise impression. Parce que si elle arrive, ça arrive pour expliquer théoriquement. Elle a fait avoir... Écoute bien ça, c'est comme... Elle a dit, si tu restes ici, l'autre dit, c'est une belle maison. Hein. Tu vas faire dans sa tête, c'est croche. Elle est belle, ta maison. Oui, c'est une belle maison. Donc, ça ne disait pas que c'était pas les propriétaires. Ouais. Moi, je le savais. Je ne pouvais pas rester dans une vibration-là, ça me crée une tension. Ok, c'est bien important de savoir ce que l'autre veut dire. Si c'est ça qu'il veut dire, puis il l'explique mal, mais à ce moment-là, ça n'a pas d'importance qu'il l'explique mal. Fait du moment que tu sais ce qu'il veut dire, tu m'en veux dire. C'est quand tu comprends, quand tu t'entends pas, t'es je comprends, mais faut pas rendre. Mais parce qu'il y a quand t'as eu un événement, puis tu le dis, au lieu de comme avant, c'était, oh, c'est une faute, à ce temps, tu le dis, c'est eux autres. Fait que déjà, t'as l'impression que ça se tord. T'as pas le remords qui va avec ta affaire. Ouais, mais ça, c'est avec un mécanisme. L'affaire de ces autres, là, je vais te dire une chose. Moi, je vous amène à comprendre les mystères de l'esprit par l'état. OK? Comme je connais toute la loi des impressions, mais je vous crée des impressions. Comme là, je vous ai dit depuis qu'on se connaît, là. C'est ça. Fait que, qu'est-ce que ça fait? C'est pour vous rendre conscience de l'autre intelligence, en fait. Ça prend la vie plus facile. Ça vous dégare. Mm-hmm. Au niveau de toute votre moralité, vous savez. Mais éventuellement, quand t'es bien ajusté dans ta vibration, quand t'as de la volonté de l'intelligence, tu le prends plus, c'est eux autres. Tu le prends au début, mais à un certain moment, tu le prends plus. C'est toi qui rentres ta vie. C'est toi qui rentres ta vie. En maudit. Ça, c'est l'autre étape. Ouais. Fait que c'est ça qui arrive, parce que je suis obligé de vous dire, c'est tout ça. D'ailleurs, c'est vrai, il y a eux autres. C'est vrai. Moi, je compte jamais demander. Je m'essaye, tu m'entends. Tu vois ce que je dis? Je compte jamais demander. C'est toujours vrai ce que je dis. Dans le sens que ça s'explique. Mais je m'essaye du mensonge, dans ce sens que je m'essaye de certaines formes pour vous amener à d'autres étapes de compréhension que vous ne pourriez pas faire quand on se rencontre dans les séminaires. Bien. Je dis, les go, les autres, les autres. Okay. Fait que ça vous amène à une dualité, ça vous amène à vous décortiquer, déconditionner émotivement, perdre votre culpabilité, toute votre niaiserie. Parce que c'est ça. Fait que tout ce que tu fais, c'est correct. Tout le monde, c'est responsable. Fait que ça te donne un breather pendant un certain temps. Mais après ça, quand tu as souffert des autres, parce que la vie a continué, c'est pas parce que vous devenez conscient des autres que vous souffrez plus qu'avant. Avant, vous souffriez autant que là. Seulement que votre sensibilité, maintenant, suffit au fait que vous savez que c'est eux autres qui vous met les roues. Là, votre sensibilité a grandi, puis devient maudit. Quand t'es tout seul, tu cognes un doigt. Quand t'es tout seul, tu sens qu'après toi, oui. D'un coup, quand tu commences à savoir que c'est eux autres, là, tu sens qu'il faut bien plus fort qu'avant. Après ça, quand tu n'as plus les yeux de cogner les doigts, c'est que tu te mets des gants. C'est le garage de l'enfant. Tu mets des gants! Tu deviens intelligent, tu mets des gants! Tu prends plus de chat! Allez, amour, ma passe ma maman. Tu laisses toi toute ta cour. Tu prends plus de chance. Là, vous êtes encore au stade de prendre des chambres. C'est ça, mais c'est parce que c'est plus vous souffrez d'eux autres. C'est là que c'est important à faire d'eux autres. T'as conscience d'eux autres, quand même. Ouais. Mais éventuellement, faut que t'en arrives à te servir de ton intelligence. Fait qu'à ce moment-là, tu sors de ton intelligence tout le temps. Tu prends pas de chance, tu t'arrives à rien. C'est le fun parce qu'au début, tout le monde, je pense, a eu l'impression de perdre son libre arbitre. Je disais, ben, c'est eux autres. Moi, je décide de rien, rap. Là, plus tu parles, plus on se rend compte que c'est moi qui décide. Ouais, vous étiez obligé de le réaliser, ça. Parce qu'effectivement, là, avec plusieurs plans, il y a des forces qui cherchent à dominer l'ego. La force de l'âme, par exemple. Mais éventuellement, il faut qu'il y ait un équilibre dans ces deux forces-là. Là, à ce moment-là, l'ego devient centré. Là, tu run your own show, ce qui est en haut est en haut. Là, t'es bien. Là, tu t'aides de la volonté, puis tu t'aides de l'intelligence, puis tu fonctionnes. Fait que tu décides de faire quelque chose, tu prends tes moyens que je fais, puis tu sais où j'arrive. Je vais arriver là, je vais arriver là. Exactement. Mais si t'es sûr, là, je suis sûr que je vais arriver à tel train, parce que tu le veux vraiment, puis c'est toi. Ah, c'est pas parce que tu le veux, c'est parce que tu le sais. Tu sais. Ouais. Il y a une différence entre vouloir quelque chose et savoir quelque chose. Quand tu veux quelque chose, ça peut être retardé, mais si tu le sais, c'est final. Mais tu peux pas le savoir tant que tu le sais pas. Vouloir quelque chose, tu peux même vouloir quelque chose. La loi des faits, c'est que quand tu es capable d'utiliser un instrument, tu sais, par exemple, moi, je sais pas, moi, je décide de trancher du fer avec une chainsaw, là. Comme je voudrais, puis que j'ai la bonne intention, puis que ça coupe, là. C'est pas approprié. Faut utiliser, savoir, c'est connaître ce qui est approprié. Ouais. Ça vient d'où aller déjà. C'est ça. Vraiment, la volonté, comme ça, c'est pas du vouloir. C'est de la mise en action. La volonté, ça vient de faire que vouloir. C'est de la détermination. C'est pas de la détermination. La détermination, c'est la volonté subjective. C'est là qu'on a des idées. La volonté, c'est l'action. C'est l'action de la volonté. Ça aide dans l'action. C'est l'action pure, la volonté. L'action consciente. C'est lié avec l'intelligence, la volonté. Ça va toujours ensemble, la volonté. Peux-tu parler de la détermination? La détermination, c'est l'attitude psychologique de l'ego de vouloir faire quelque chose. Ouais. La volonté subjective, la détermination. Il y a rien, il y a pas de savoir dans la détermination. Des fois, tu peux bien déterminer, tu vas trouver une compagnie, mais ça marchera pas. Oh, ouais, c'est ça. Mais si tu sais, ça marche. Il y a une étape où tu dis j'ai un projet, après OK, mon seul est plus un projet, ça va se réaliser. Même. Fait que déjà, tu t'en vas dans je sais, fais chaud. C'est ça. T'as toujours le petit hic. Ah, ils vont. C'est parce que tu sais pas. Ah, c'est parce que tu sais pas. C'est parce que tu sais pas, tu peux pas. C'est ça, mais tu te retrouves avec à moitié eux autres, à moitié moi. Exactement. Exactement. Et ça, tu sors de ça. C'est ça que dans l'initiation. Dans le descente de cette énergie-là, qui c'est qui arrive à un certain moment? Vous êtes plus entre votre volonté et leur volonté. Whoop, vous êtes pas capable. Une minute, tu décides quelque chose, puis l'autre minute, whoop, ça change. Puis l'autre minute, whoop, ça change. Puis l'autre minute, whoop, ça change encore. Vous connaissez ça? T'es pas capable de prendre une maudite décision. Deux minutes, ça marche. Whoop, l'autre minute, ça marche plus. Ça, c'est parce que le corps mental n'est pas suffisamment développé. Ah bon. Quand le corps le mental est suffisamment développé, c'est ça, puis c'est final. Puis laisse-moi te dire que c'est tough. Parce qu'ils te permettent pas de te servir de ton corps mental tant que t'es pas capable de t'en servir, parce que te permet de te servir de ton corps mental, de ton centre de décision personnelle implique la volonté de l'élève. Quoi être patient. Ben, c'est ça qui vous amène à ça. Mais la patience t'amène à écœurer éventuellement de la patience. C'est important, la patience, j'en parle la patience. Je dis éventuellement, vous allez souffrir de patience. Ouais. Parce que c'est long. Éventuellement, tu n'as plus un cul de la patience. Tu veux être en action. Oui, c'est un projet, en fait. Ouais. T'es bien déterminé. Quoi? T'es terminé, c'est encore au niveau de gauche. Ben, il peut marcher avec le bébé. C'est bon, ben, j'en ai une exécution, tu t'équipes, t'as tout ton équipement voulu, puis c'est parce que tu sais que ça va aller. Un projet veut dire projeter. Déjà, tu sais pas. Oui, c'est tout le projet, tu sais pas. Il peut marcher, le projet. Mais si tu t'équipes en fonction, ton projet. Ça dépend de ton expérience, peut-être qu'il va servir ton projet pour casser tout. Tu manques, ça coule. Ça va couler parce qu'il faut que tu le mettes en marche. Ah, tu le mets en marche, hein. C'est ça. Éventuellement. C'est ça que j'ai te dit. C'est ça que j'ai t'expliqué. Il va se servir de ton projet pour t'amener une autre expérience. Fait qu'on rentre et il n'y a rien projeté. Parce que quand tu rentres dans l'affaire, quand tu sais, ça peut pas remarcher. Bon, OK. Ça, on va enlever le mot projet. Ah. On parle l'affaire. Ça, ça va bien marcher. Et tu t'équipes en fonction. Tu sais pas que ça va bien marcher tant que ça va bien marcher. Tu sais que ça va bien marcher. Parce que tu t'équipes en fonction, t'as ça pour ton matériel. Non, c'est pas parce que tu t'équipes. C'est pas parce que tu t'équipes en fonction, ça va bien marcher. Tu sais que ça va marcher. Il y a bien des gars qui parlent des compagnies de 50 000 pièces, ça va aller au deuxième rang. Tu t'équipes pas.